Yeah, dick ass sass. J'ai peur de l'avenir, de ce qu'il y a après. Peur face à sa vie à stresser pour que la mort la prenne. On a tous peur dans des moments de faiblesse. Dès que la difficulté augmente et qu'on veut que tout cesse. Peur de n'être qu'une ombre au tableau. Peur, et je m'évade sur des notes de piano. Peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, et j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. J'ai peur, peur de ne pas y arriver, de ne pas être à la hauteur. Peur de partir en dérive et de la joie, ne plus sentir l'odeur. J'ai peur d'échouer mes années lycées. Peur de me perdre dans mes idées, de persévérer. Peur de ce qu'il y a à la fin. Je sais que c'est qu'indicatif, mais je suis loin de me dire enfin. J'ai peur car plus le temps passe, moins j'y crois. Peur car les résultats de mes années collège sont derrière moi. J'ai peur car je sais toujours pas quoi faire. J'ai peur d'abandonner, peur de la suite qui arrive ferme. Peur de n'être que l'ombre du succès de mes sœurs. Peur de n'être que le genre de la réussite. C'est ici que le temps joue avec mes nerfs, c'est l'heure. Tout le monde a peur de ses diplômes. J'ai peur, peur de ne pas réussir, même si je veux pas autant que la marque pomme. J'ai peur de ce qui arrive, j'ai peur j'y arrive pas, d'un coup je panique. J'ai peur de l'avenir, de ce qu'il y a après. Peur de passer sa vie à stresser pour que la mort la prenne. On a tous peur dans des moments de faiblesse. Dès que la difficulté augmente et qu'on veut que tout cesse. J'ai peur de n'être qu'une ombre au tableau. Peur et je m'évade sur des notes de piano. J'ai peur, ouais. Ouais, j'ai peur. Ouais, j'ai peur. Ouais, j'ai peur. J'ai peur. Ouais, j'ai peur. J'ai peur. Ouais, j'ai peur. J'ai peur. Ouais, j'ai peur. Yeah. J'ai peur de ces sentences, j'y arriverai sûrement. J'ai peur, je suis en transe, j'aurai peur jusqu'au dernier moment. On fait tout pour que j'ai peur, malheureusement ça marche. J'ai peur d'avoir des opportunités et de louper la marche. J'ai peur de mes erreurs, même si j'assume mes pleurs. J'ai peur de ma propre vie, de mes terreurs. Peur de où va le monde, j'ai peur de louper le coche. M'en fous de ma voix sur les ondes. J'ai peur de finir mal. Peur de finir seul, j'ai peur car je suis pas normal et qu'il faut que je gueule. J'ai peur car personne ne me suit. Peur car je perds tous mes amis et que j'assume et je subis. J'ai peur car je suis imprévisible et qu'il faut que je rencontre plus personne. Peur de mes suites difficiles, j'imprime mon malheur des textes qui me feront aller sur le trône. J'ai peur de la répercussion à long terme. J'ai peur car j'ai l'art de me prendre la tête, donc dans le fond je suis qu'une sous-merde.